Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Russie. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce lundi 21 octobre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Oui! Oui, première journée de manteau aujourd'hui. En tout cas, dans mon cas, je suis pas pour toi. Oui, moi aussi. Et les vitres givrées. Les vitres givrées. Moi, je me suis rendu compte qu'en déménageant... Je t'aide un peu. Merci, merci. En déménageant, mon manteau était sur le dessus de la boîte et je pense que le chat s'est couché dessus. Oh. Il y avait du poil là ce matin, misère. Plus que d'habitude parce que c'est quand même chez vous puis t'es un gars poilu. Oui, c'est ça. C'est si pas le mien. C'était du poil roux. À qui la faute? Hey, okay. On va sortir les avocats. Du, les avocats verts. Du petit tiroir, c'est ça. Oui. Ça va dans un tiroir, dans une armoire. Oui, mais dans le frigo. C'est plus trop là. Ouais. Donc aujourd'hui à l'émission, ben on a quand même pas mal de choses à vous proposer. Peut-être pas assez pour remplir une intro. Ben oui. Mon vrai d'habitude. On a Maxime Tanguay, notre chroniqueur aujourd'hui, qui va nous aider à survivre à la semaine de travaux et d'études qui commence aujourd'hui. Oui. Avec sa chronique « J'ai tout le temps pour une chronique » et donc de la musique pour étudier. Oui. C'est bon à c'est avoir. C'est direct dans cette semaine. Hein? C'est ça. Moment. C'est ça qui serait supposé de se faire faire. C'est ça. Se faire faire, oui. Tout le long de la session, c'était pertinent aussi, mais oui. Particulièrement maintenant. Tant qu'à étudier, on va apprendre des choses ensemble grâce à la chronique, c'est un fait. Ah oui. Mm-hmm. Ça va être à 8h. Maxime Tanguay, c'est à 9h en passant. Et pour compenser pour beaucoup trop d'apprentissage aujourd'hui, on va trouver des façons de mieux paraisser dans son foutu palmarès qu'on va faire vers les 8h30. Oui. Sinon, en première demi-heure, on va aussi avoir des petites chroniques un petit peu plus musicales en ce début d'émission. Oui. J'ai un petit quiz d'écoutons la chanson pour toi tantôt. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et même les paroles des autres. Génial. Tout ça dans l'émission d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, je te propose de commencer en musique. Oui! Je te propose ça. Je sais pas comment... Ah! Il est là! Je te propose de la musique que j'ai sur... Ah oui! À quelque part ailleurs, attends un peu. Non, j'ai rien. Hey, je vais me lever, OK? Attention, okay. Je monte au deuxième étage. OK. On a tellement un grand studio, finalement. C'est ça, ça prend deux étages, un ascenseur et un monte-charge. C'est comme un Simons. Oui, Simons. Oui! T'es-tu allé magasiner en fin de semaine, Mathieu? Oui, malheureusement, au centre d'achat, comme on l'appelle. Oui. Bon moment à passer, comme toujours. Oui. Malheureusement. Malheureusement. T'aimes pas ça? Non, pas vrai, ça. Ah, toi, non. T'aimes ça magasiner? Ah oui, je suis un gars qui aime bien magasiner. Ah. Ça dépend quoi? Ouais, c'est ça. Moi, de l'électronique, mettons, donne-moi-en. Oui. En masse. Name it. Name it. Mais vêtements, ouais, ça peut aller, mais il faut que ça me tente. Ben franchement, là, si ça me tente pas d'essayer quoi que ce soit, ça marchera pas. Hey, c'est-tu ce que j'ai vu de drôle le matin? Non. Une date comme ça. J'ai vu un gars qui était en train de se raser dans son char en train de conduire. Ah, tu m'as vu? C'est toi? Non. Non, regarde ma barbe. Ouais, c'est non, exact. Hey, il se rasait avec son rasoir électrique. Je me suis dit, Bablon l'a dit, ben crime, c'est une bonne idée. Je fais comme, oui, c'est une bonne jusqu'à idée. Jusqu'à temps que ça soit le moment de ramasser le poil. C'est ça. Et de faire un accident. Oui, mais c'est tout sécuritaire. Là. C'est quand même surprenant. Je dois avouer que. Ça m'étonne. Tu sais, rouge à lèvres, non. Non plus. Non. C'est un homme. C'est ça, quand même. Manger un burrito, mettons. Oui, mettons. Un taco. Un taco. Un taco, ça, c'est pire, je pense. Ou se faire des fajitas directement. directement. Avec le petit wok. Oui. Sur le côté. Ça se branche directement dans la même cigarette. Amusez-vous à pouvoir en avoir deux si vous avez maintenant. Mais c'était quoi? Après ça, il s'est brossé les dents? Non, il a tout fait son kit au complet. Il a pris sa douche dans son char. Wow! Impressionnant. Une bouteille d'eau. Ouais. Le gars, c'est un multitâche, tu sais. Ouais, vraiment. Ou quelqu'un qui se lève en retard. C'est ça. Name it. Name it. On commence avec Supernova de Brady Gardy. Génial. Sur C'est Fou. 89 FM, bonne émission. À chaque fois j'entends ton nom, l'univers en expansion me ramène à l'horizon. Une pupille sur ma tête me ramène à cette quête que moi je vois apparaître. Une pupille sur ma tête me ramène. Bradycardie avec Supernova. Supernova. Nova. Très bon nouveau CD. Oui. Hey, JP. Oui. Toi, t'es un gars qui, le matin, à 7h40, mettons, est très, très allumé, un présent d'esprit. Oui. Et je vais d'essayer de profiter de ton cerveau pour comprendre mon quiz. Écoutons là donc la chanson. Oh. Tu me fais travailler ce matin. Un petit peu. Mamousse à pu! Je disais en rond en fermant les micros. Mamousse à pu, ça sent le pot, mamousse à micro aujourd'hui. Ah oh ben, on n'accuse personne. Non. Mais bon. Donc, écoutons là-dedans la chanson, qui est le petit quiz d'assemblage requis où, en écoutant C'est fou 24 heures sur 24, comme j'aime le faire, des fois j'entends des chansons et des fois il y a des liens qui se tissent dans mon cerveau, comme ça. Des liens un petit peu bizarres parfois. Et je te fais deviner ça. Oui. Le kit au complet. Donc, plus tard dans le bloc, on va entendre Les Amis au Pakistan ainsi que Christian Jacques, mais on va débuter avec une pièce d'un artiste qui s'appelle La Palme. On écoute Du beurre, du ballonné. Et je te laisse faire le lien à la toute fin de la chronique. C'est enfin presque le mois de mai. Le capitalisme au hockey n'a rien cassé au dernier Jeux olympiques. Défaite liée dans le cœur du ballonné. Les gens sont tellement informés qu'ils ne croient plus n'importe quoi. Le capitalisme dans le monde entier. Faudrait faire un sondage simplement. J'ai fait crier dans le bord du ballonné. Lonely, lonely, lonely. Cause it's

de folle en vigueur. Tu m'as jeté dans le lac. Tu m'as viré à panique. La terre de poignée gamouk. Vie de folle en vigueur. J'y ai presque passé. À quoi t'as pensé si tu m'as envoyé paître aux îles Moukouk. Pounik, pounik, pounik, à poignée gamouk. Vie de folle en vigueur. J'en ai des frissons. Beautiful hamburger. Tu as changé ma vie. Tu as pris le bonheur. Moi, je suis banni. Moi, je suis tout le temps. Beautiful hamburger. Mon ami, Beautiful hamburger. Tes amis au Pakistan. Oui. Mm-hmm. C'était le bloc Écoutons la dernière chanson. Oui. Donc, essayons de comprendre un petit peu le lien que je t'ai choisi entre ces trois pièces. Il faut que tu le devines, c'est le jeu. Hein? Oui, c'est exactement ça. C'est le but de ça. Là, je me suis demandé, à la fin de la chanson qu'on vient d'entendre, des amis au Pakistan, elle a toussé un peu. Mm-hmm. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est moi au micro le matin. Parce que je commence toujours avec un petit... C'est toujours un T-bone aussi derrière le comptoir qu'on appelle la table. Oui, je suis toujours prêt à me ronger l'os. À me ronger le bones. Là, c'est ça. Hors d'onde, je disais qu'en fait, les trois, il y avait le thème de la viande oui. qui était récurrent. Le ballonné. On a du bar du ballonné de lapin, moi. Oui, après ça, c'était le comptoir des viandes, assez évident, de Christian Jacques. Le Beautiful Hamburger. Donc, le thème du bœuf. Qui revient clairement. Ballonné sous bœuf. Je sais pas, c'est pas du jambon. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est de la viande. Oui, hein, ça, c'est sûr. Toute la bonne chose qui me donne vraiment le goût de manger un burger ce matin ou un sandwich au ballonné. À 7h54, là, la faim arrive. La faim justifie le fait que je salive. justifie le moyen ventre que j'ai. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, mais je disais que c'était trop facile comme lien. Tu commences à me connaître. Oui, pour l'univers de cette chronique. Non, je sais jamais. Yak-yak-yak. On dirait le pingouin. Oui, c'est ça. C'est toutes des chansons francophones. Oh, wow! Wow, quand même pas. Je suis vraiment quelqu'un qui fait des liens comme ça super facilement. T'es doué. Ouais. Donc, non, c'est pas la viande, même si ça donne l'impression que c'est la viande, mais c'est tout ça. C'est une feinte. C'est une feinte, exactement. Wow. C'est comme un ninja. Sournois. C'est des histoires, en fait, c'est des relations, c'est des duos, en fait. Tu sais, du bas, du ballonné, ça va. OK, bon. Ensuite, comptoir des viandes, tu sais. Oui. Un comptoir sur lequel tu évidemment vas couper de la viande, puis oui. Des fois tu peux avoir une bonne relation avec ta personne, ton boucher. Oui. Et les amis au Pakistan, mais évidemment, tu as des amis. Et puis oui. Ils sont au Pakistan, donc ils s'entendent, ils font le tour du monde ensemble. Oui. Et puis Beautiful Hamburger, bien évidemment, la personne est en amour avec son hamburger. Donc la relation amour-haine wow. entre un burger et une personne, c'est juste des duos. C'est des duos. Des duos. C'était pourtant assez, je trouve, facile. Évident. Mais c'était bon, quasiment aussi évident que la viande. Je te juge pas. Là. Non, juge même pas. Si c'est fait. si tu l'avais eu, je t'aurais donné un beau cadeau oh. à la place. Donc voici un prix de consolation de Cat Empire et Brother Than Gold. Ah, merci. Ça fait plaisir. C'est quand même un beau prix de consolation. Mais t'as bien joué quand même. J'ai essayé. C'est admirable. Oui, merci. Mon caporal. Ah, pour l'effort. Three steps in the evening and the darkness is ablaze and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. What none can dream, but light calls it a lie. And all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. But Brando's in the flood. Black Swan makes it pirouette. Gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. On va la brûler. Ta-da-da-da-da. On la joie tout le temps. Ta-da-da-da-da. C'est de ma faute. Non, c'est de ma faute. Mais on s'est dit, on va la mettre lundi comme ça et jouer pour la semaine. Et jouer pour la semaine. Mais peut-être que jeudi, si j'ai bien fait ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. 8h01, bon retour, c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Oui, ben oui. Ben oui. Ben, okay. Ben c'est ça. Que demander de plus? Avoir quelqu'un qui le monte à notre place. Ah! Non, le fun, la moitié du fun est dans la construction de l'émission malgré le fait qu'on n'a pas de chroniqueur maintenant. Ah! En semaine rage. Avoir un livreur. Oui, un livreur. C'est bon pour au moins les matériaux parce que là, le transporter sur mon dos à chaque jour. Puis, question d'avoir notre quota de raies. Arrête! maintenant, voici la chronique C'est un fait. Je veux dire comme un monsieur de la construction aurait un paquet de connaissances dans sa tête en dessous de son chapeau de plastique. Oui. On va vous livrer des faits à même votre tête avec un marteau. OK. Que ça pourrait faire mal. Souviens-toi-en. Oh ouais. Commençons par le fait que les cigarettes ont du vomi de baleine ajouté à l'intérieur pour plus de saveur. C'est ce qu'Internet nous dit. Et en fait, on nous dit même que c'est en Corée du Nord quelque chose qu'on mange là-bas fréquemment, du vomi de baleine. C'est ben, ben bon. Du régurgie. Régurgie, voilà. C'est mieux dit comme ça. On dirait que c'est moins pour le matin. Dans les cigarettes, bref, c'est super. Les humains ont des chiens comme animal de compagnie depuis plus de 12 000 ans. OK. Plus de gens ont peur des grands espaces très, très larges et très, très vastes, ce qu'on appelle la kénophobie. Il y a plus de gens qui ont peur de ça que des endroits restreints comme les claustrophobes. OK. Étrange quand même. Ben oui, quand même surprenant. Ça veut pas dire nécessairement qu'il y a des qui sont pas claustrophobes, mais xénophobes, parce qu'on parle des gens. Oui. Je parle des grands espaces. Donc, ça veut dire que les gens aiment plus les gens tight. C'est clair. Oui. Oh, oh, oh. Les gens en Islande consomment plus de Coca-Cola par personne, per capita, que n'importe quel autre pays. En Islande, le Coke, c'est bien, bien. Ils aiment ça. Mm-hmm. Check pas la craque. Non. Le pélican respire par sa bouche parce qu'il n'a pas de narine. Oh, de narine. Narine. Excuse-moi, narine nord-coréenne. Corée du Nord. Ah ouais. Ouais, c'est comme moi quand je dors. J'ai plus de narine. T'as plus de narine? Ça s'en va. Tu mets un bas dans la bouche puis des bouchons d'oreilles dans les narines du nez. Pour pas du tout ronfler. Une personne sur 9000 est albinos. Albinos? Albinos. Oui. Une personne sur 9000. Ah, ben c'est plus que j'aurais cru. Moi aussi. On les salue. On les salue. Allô! À l'université, on est 14 000. Vous êtes 14 000 albinos. T'en fais partie. Je te pensais pas de même, je dis maquillage. Oui, tous les matins. Ça couvre bien. Pendant deux heures. Ouais. Dans les studios de Radio-Canada. Je sais pas pourquoi. Non, mais ben, ils peuvent pas faire de télé, par exemple, parce que les lumières. Ah oui, ça va ça refléter. Ouais. C'est ça. Ça pourrait être du jeu du monde. Ça. Oui. La plupart des toilettes flush. À la note E flat. Je sais pas ce que c'est en termes de dorimi fa sol la si do. E, c'est quoi ça? E, c'est E. E, c'est évidemment. Oui. Évidemment. Je sais pas comment le chercher, genre E égale quoi en musique. Je sur Google, je sais pas comment chercher. Mais un E flat, c'est des toilettes qui sonnent comme ça. Ben, oui. Si tu cherches E note. Oui. Sur, tu peux c'est la note E à l'école. Hein? Tu peux l'avoir. Hein? Comme en son. Ah, ben, call. Attends un peu. Tuning. E note? Ouais. Juste sur Google comme ça? Ouais. OK, attends un peu. Difficile à taper avec ma main. T'as des gens qui jouent ça pour pouvoir t'accorder. Ah, oh, ouais. Très, très drôle. Okay. Okay. On va essayer ça comme ça. Je peux te dire que le E, c'est 659,26 Hertz. Hertz. E, first string. Fait que c'est ça. Ting. Ah! Donc la toilette, imaginez-la dans vos, dans vos têtes. First string, first fret. Ah ok, c'est fini, c'est rendu un fret. Wow! On est au complet. C'était fascinant ça? Oui, c'est fascinant. Pour la qualité de la production sur cette vidéo. Oui, c'est impressionnant. Une belle page blanche avec un E de bleu. Si on le fait parfaitement, un cube Rubik's Cube, oui. On peut, dans le fond, on peut le résoudre en 17 tours. En 17 tours. Peu importe c'est quoi le... Si tu le fais parfaitement, ah, peu okay, importe okay. Comment il est... n'importe quelle combinaison de cube ouais. Rubik peut-être... il y avait environ la moitié des gens sur Terre en 1970 qu'il y en a aujourd'hui. OK. Si la tendance se maintient. Hein? C'est ça. un homme en Inde a commencé à planter des arbres quand il avait 16 ans. Il a maintenant 47 ans et il vit dans sa propre forêt avec des rhinocéros, des tigres et des éléphants. C'est un bon passe-temps. Oui, c'est Georges. Hein? Georges de la jungle. Oui. Il a créé son propre environnement. Jungle. pardon. Eminem. Passer des heures à chaque soir à étudier le vocabulaire, le dictionnaire, pour pouvoir améliorer, évidemment, ses paroles de chansons et ses rimes. Ben oui, puis pouvoir avoir un répertoire, hein, parce qu'il improvisait. C'est ça. Mm-hmm. Pas juste des mots qui commencent par M, puis M, comme M&M. Ben non. Ben non. Bonbon. Bonbon. Distributrice. Skittle. 88% des gens disent qu'ils utilisent leur téléphone cellulaire simplement pour éviter de parler aux autres quand ils marchent. Ah oui. 88%. en Oregon, un homme est déjà en prison et a dû payer 1 500 $ pour avoir ramassé de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie est considérée comme propriété de l'État. en Oregon. Hey, gueule. C'est cher à payer du litre. Quand même. Au début du film Iron Man, Tony Stark se fait, dans le fond, se fait kidnapper, attraper, prendre. Ça dépend dans le combienième, là, ils sont rendus à 3. Là. J'ai juste dit Iron Man, man. Ah là là. Iron Man, c'est le premier man. Ah oui. Original OG. Oui, OG style. Donc, ces ravisseurs, si on veut, révèlent tout le scénario du film au complet dans une langue qu'on appelle Urdu, URDU. Okay. Donc, ils parlent, mais on comprend rien, il n'y a pas de sous-titres, mais ils révèlent dans le fond tout le scénario tout du film. Tout ce qui se passe. Toutes les punches sont là-dedans. Wow. Monday. C'est un beau gag. Un inside pour les gens oui. Qui parlent Urdu. Oui. Urdu. Il n'y en a plus beaucoup de ce temps-ci. Ah, de nos jours, aujourd'hui. Urdu. Les pédophiles qui sont trouvés coupables en Russie peuvent choisir entre faire de la prison et se faire castrer chimiquement. Oh. OK. OK. OK. comment t'appelles ça? Plus poliment, une flatulence. Une flatulence. La flatulence moyenne voyage à une vitesse de 7000 à l'heure. 7000. Mmh. 7000 à l'heure. Les études nous apprennent que simplement manger dans une cafétéria va faire que ta nourriture va goûter moins bon. OK. Donc, même si tu manges un plat qui n'est pas fait à la cafétéria, juste à côté ici, là, puis que tu le manges à la cafétéria. Je me demande si c'est le genre, les mauvaises odeurs ou tu sais, le mélange. Le néon. Le néon. Les couleurs du vert morve des ouais. Chaises. Mais bon. Question subjective, là, ouais. Ça, là. J'aime pas ce vert-là, pantoute. Ah non? Non. La pression d'air, dans le fond, peut faire que les oiseaux... Dans le fond, ça va causer des douleurs aux oiseaux. Okay? Oh, arrêtez! Donc, si les oiseaux volent très, très bas, proche du sol, ça veut presque toujours dire qu'il va y avoir des éclairs qui vont s'en venir. OK. La pression de l'air va leur faire mal, donc ils vont voler moins haut. Non. Intéressant. La maison la plus chère du monde est à Antilla, à Mumbai, en Inde. 27 étages de haut et vaut 1 milliard de dollars. Une maison. À 27 étages. C'est beaucoup de salles de bain. Oui, c'est beaucoup d'étages, point. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux morts avec toutes les fenêtres qu'il y a là. J'imagine qu'ils volent plus ou moins haut ou bas. Peu importe, ils se font mal. 27 étages, ouais, c'est énorme. On veut pas vivre là, c'est trop de ménage. L'université a 4 étages, on vous rappelle. Oui, et elle a coûté très cher, mais pas $1 milliard. Non. La plus jeune grand-mère au monde, selon bien des gens, c'est Rivka Stanescu, qui a 23 ans, et sa fille a donné naissance à l'âge de 11 ans. Oh! Ça serait la plus jeune grand-mère de l'histoire de l'humanité. La plus jeune grand-mère a 23 ans, c'est ça. Je me demande si c'est possible d'aller plus bas que ça, à un moment donné, à moins de... Je sais pas. De vraiment s'essayer pour essayer de devenir la grand-mère. Oui, mais là, à un moment donné, ça devient... Si tu fais à tous les jours, tu tombes enceinte. Ouais, non. Ouais. Celle-là, je sais pas. Celle-là, tu me diras si t'as déjà vécu quelque chose de similaire. Mais les chats peuvent apprendre à japper. Hein? Écoute, ouais. Ben franchement, c'est ça, je te vois pitonner. Je suis ouais. sûr qu'il y a une vidéo comme ça sur YouTube. J'essaie de voir. Qui serait pas un montage. Comment savoir? Oui, à cette heure, c'est dur. Comment savoir? On va essayer celui-là. Barking Cat, c'est par Discovery. Et on va écouter ça ici. Attention, un chat qui jappe. Oh, je pense qu'il y a une explication autour. Perhaps you've seen this video online. Bon. In it, a cat appears to be barking like a dog. The cat then realizes it's not alone and it turns into a cat again. Ah, il est survé, il regarde son maître. Is this video fake or could it be possible that cats can bark? Je vais le regarder au complet, cette vidéo-là. Ben oui, c'est vrai. Oui. Je suis tombé sur le mauvais. Expert and the owner of the cat expert félin, propriétaire du chat. Oui. I've looked at this video a number of times and oh, is that real? Or did they have a bark over? And no, I mean, I have to believe that it's the real audio with this video. La vraie audio de la vidéo. Mais c'est qui elle? C'est la propriétaire de The Cat at the Hospital. Okay. The sides heaving from the cat. And what we know about cats is that they cough. There are a number of donc les chats des fois vont tousser. Okay. Plusieurs choses peuvent faire tousser les chats et ça va pouvoir sonner comme un jappement du poil d'humain peut-être ou de chien. Oui, ils sont allergiques aux chats. In rhythm with the bark, with the noise, and the cough is most likely a lung or pulmonary problem. Oui. Nouveau concept d'émission, on pourrait regarder la TV toute la journée, juste commenter. Oui, bonne idée. Oui, bonne idée. Fait que, donc, c'est possible. C'est possible. Mais ça serait pas un aboiement, ça serait un achou. Un achouement. Ouais. Comme le terme technique, le médical, achouement. Le achouement, oui. Bien sûr. Merci à Discovery, en passant. Pour cette explication. Et pour l'idée de regarder la TV et la radio. En une année, ton cœur peut battre jusqu'à 40 millions de fois. Ça change pas le monde, sauf que. Il y a bien des choses comme ça qui changent pas le monde dans cet effet. Oui. Au-dessus de 2500 gauchers par année se font tuer en utilisant des produits qui sont fabriqués pour les droitiers. Je sais pas si on les parle ciseaux. De gun. Ouais, c'est ça, des ciseaux. Un suçon. Oui. Il s'étouffe. Mais comment c'est possible? Oui, un gun. Un gun. Côté, ben oui. Ça pourrait arriver. Ouais, ben ouais. Au-dessus de 85% des gens ont tendance à faire des bruits vraiment pas nécessaires quand ils s'emmerdent. Comment t'as fait ça, Mathieu? OK. Allons-y avec le... J'en saute un pour l'instant. Je vais te le garder pour plus tard. D'accord. Je vais finir avec ça. Pour empêcher les mouches de lui atterrir dessus, Pépi II, en Égypte, j'imagine que c'était un roi, gardait toujours plusieurs esclaves proches de lui, dont les corps étaient tartinés de miel. C'est pas beau. On peut pas rire de ça. Non. Mais en même temps, ça me donne des idées drôles. Ouais. De punition? Oui. Pour un employé oui, qui envoie pas ses textes au journal, mettons, genre. Un petit peu de miel, fait jamais de mal. Seulement 2000 femmes dans le monde achètent des robes de haute couture. 2000? 2000 personnes, 2000 femmes, ce qui est moins que les 2200 personnes que ça prend pour les fabriquer. Mais ça coûte tellement cher que ça revient correct. Ils sont sûrement pas payés aussi cher que la valeur de leur robe qui... Non, sûrement pas. Le chocolat est plus efficace que le café pour essayer de te réveiller ou de rester éveillé. C'est aussi meilleur pour la santé. Donc, à la place du café... Il y a au chocolat? Ouais. En tout cas, moi, je sais pas, là, mais on pourrait avoir du chocolat fourni, c'est fou. Ah oui? Des tablettes? Ouais, moi, je vais prendre mon chocolat tablette. Ça me dérange pas s'il est pas froid. Oui. Je le garde au frigidaire chez nous. Ah oui? Tout ton frigidaire? Je le fais défroster un peu après, okay. Avant de le manger. Mais tout mon chocolat est au réfrigérateur. Au frigidaire? Moi, tu vois, j'aime moins ça. Ah oui? Ça dépend lequel, par exemple. Mettons une aéro. Ah ouais, ça peut-être. Ça, c'est big. Mais il faut la faire refroidir, genre réchauffer 5 à 10 minutes. OK, au micro-ondes. Non, c'est 5 à 10 minutes. Oh, miam. Omnium. Qu'est-ce que la tweetarée, selon toi? La tweetarée. OK, là, je m'essaye sur quelque chose. Moi, je dis, c'est quand tu dis de la merde sur Twitter. Ben, ça ressemble à ça. C'est un terme slang, évidemment, donc c'est pas un vrai mot dans ce cas-là. Ça décrit une personne qui tweet de façon sporadique, environ 30 tweets par heure, genre. 30 tweets, ah oui. Tu sais, mettons un Simon Fitzbay du Twitter, mettons. Là. C'est sur Facebook. Ouais, mais c'est quand même 30 à l'heure, je connais personne qui accote ça. Là. Non, personne. Non, personne. 30 à l'heure, c'est beaucoup. Quel mot, quel jeu de mots qu'on pourrait faire Simon Fitzbay puis diarrhée? Fitz barré. Ah, c'est pas fin. Mais il Facebook beaucoup, qui ça se met? Ben oui. Les hiboux vont avaler leur proie d'un coup sec et vont ensuite régurgiter les os, la fourrure et d'autres parties qui sont pas digérables dans petites palettes, en genre de petites pilules. OK. Ploup! Les hiboux. Puis après ça, il y a eu d'autres animaux qui les prennent, puis ça fait des Nespresso. C'est comme la Keurig. Oui. J'aime ça. Une petite pastille de goût. Oui. Et pour terminer, tiens, celui-là, il faut que tu ailles voir la photo. Et je suis pas sûr que ça va être très bon pour vous à la maison de savoir ça, mais le plus long morceau de... Mettons, les humains font pas des petites palettes, ça fait des petits... ça fait des genres de saucisses, hein, ce que les humains sortent par derrière. Hein. Oui. La machine à... À numéro 2. Le plus long à jamais avoir été enregistré dans la vie, c'est 26 pieds. 26 pieds. Et vous ne le croirez pas, mais il y a la photo sur assemblagerequis.com avec le tape à mesurer. Oui, mais moi, ce qui m'impressionne plus, c'est la fille qui a vraiment la face à côté puis qui a l'air quand même heureuse de pointer. C'est pas elle qui a fait ça. Là. Non, c'est... il y a l'histoire en dessous de la photo. Je vais essayer de la traduire. C'est en février 1995, en travaillant avec les nutritionnistes à l'Université du Michigan à Ann Arbor. Cette personne a adopté une diète riche en fibres, ce qui lui a permis de produire donc ce seul et unique numéro 2 de la grosseur de son côlon au complet, 26 pieds. Et il a documenté ça à la Cranbrook Kingswood High School Bowling Alley à Bloomfield Hills au Michigan. Il a fait un abat. Ben, il avait un plancher assez long pour pouvoir mesurer le résultat. Donc sa diète, il a pris beaucoup de métamucil, qui dit. La substance fibreuse qu'on met dans de l'eau là, ou dans du jus. Et puis, c'est ça, il a duré une semaine. Dans le fond, il a travaillé là-dessus très, très fort. Et il a utilisé, une... comment dire poliment? Une butt plug. qui est fait spécifiquement pour empêcher les excrétions prématurées. Ah! Il a vraiment voulu faire ça. Là, c'était un défi qui s'était donné. Wow. C'est la longueur de son côlon et il s'empêchait lui-même d'aller faire ce qu'il avait à faire, aller porter des enfants à la galerie. Oui. C'est tout un dallo. à cause de bowling alley. Tout un dallo. Ouais. Mm. En tout cas, lui, il trippe plus ses grosses que ses petites. Oui! J'ai fait le tour. Là. Ouais, je sais pas. Il y a ouais. C'est de sentir meilleur que les souliers. Oui. Pas sûrement, c'est la lettre bowling. Oui. Puis, t'as parlé de butt plug. Oui. Oui, merci de la rappeler. C'était comme, tu sais, il y a 3 trous là, dans la boule. Ouais, je sais pas. Ouais, j'essayais. Je sais pas. Le dernier mot va à... Je sais, maloc, là. C'est un chat. Qui aboie. On écoute Experimental Fiction de Banks. Oh là là. J'en peux plus. Bon appétit. We'll be right back.

MGMT, your life is a lie. Oui! ça sent frais, cette chanson-là. Ça sent bon. Et parlant de choses qui sentent bon, sentent bon, oui. Je conjugue tes verbes comme du monde, man. Oui, s'il te plaît. Voici son foutu palmarès. Foutu palmarès! Oh yeah! C'est la chronique où on vous présente une liste de quelque chose. Oui. Rien de moins compliqué que ça. Là. C'est pas mal la chronique de base là, à faire. Là. Oui. C'est comme patché, ça fit très bien. Et aujourd'hui, la chronique est particulièrement facile. D'habitude, tu penses que c'est facile, cette chronique-là? Oui. On descend encore d'une encore? Droite. Encore? C'est impressionnant. C'est le top 20 des odeurs les plus faciles à reconnaître dans le monde. Vous savez, c'est des odeurs qu'on pourrait connaître à un kilomètre. Oui. Donc, j'imagine que tu vas vouloir en deviner quelques-unes avant qu'on commence? J'ai regardé un petit peu, pardon. Hé maudit! Mais on ira au pire à la fin avec celles qui n'ont pas été mentionnées dans le top, OK? Ah oui, on peut faire ça. Donc, top 20 des odeurs qu'on reconnaîtrait à des kilomètres à la ronde. Commençons avec, évidemment, le café. Oui, ça je m'en serais douté. Le matin, évidemment, tu programmes ta cafetière. Mm-hmm. Ça s'en vient. Mm-hmm. Tu mets un petit peu de crème Baileys dedans. Oui. Est-ce qu'on s'en est parlé en ondes ou pas du tout? Il y a un hôtel, une chaîne d'hôtels qui maintenant offre le service de café. Mettons, au lieu d'avoir une cafetière, ouais. Tu t'en vas au bar à café le matin. Génial, et mais puis, non, tu peux prendre ce que tu veux, genre latte, expresso, cappuccino. Oh. Et puis la personne qui est là est aussi là pour te dire tu sais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si tu veux aller magasiner, tu pourrais aller là. Ah, c'est un conseiller, c'est comme un ami. Oui, exactement. Une location d'amis. Pendant qu'il fait ton café, il peut te conseiller si t'as besoin d'informations sur la ville ou peu importe. Est-ce que tu peux lui dire ce qui te déprime et il va te consoler? Sûrement. Il est payé. Il est payé. Mais payé à homo. Ben oui, mais j'adore l'idée au lieu d'avoir un café filtre là, oui. Tout simplement basic là, dans ta chambre, pas nécessairement goûteux, tu vas avoir ton bon expresso tous les matins. Prochaine odeur facile à reconnaître, c'est le beurre d'arachide. Alors, le beurre de peanut. Encore une fois, avec les déjeuners, moi j'ai présentement du beurre d'arachide aux bananes et au genre d'avoine croquante. C'est fait tout préfait, là? Ah, c'est tout fait. C'est bon, c'est Kraft qui fait ça. Il y en a un à canneberge, au raisin sec, puis à cannelle, puis un paquet d'affaires. Okay. Sans les beurres de peanut, là. Fait que là, tu capotes. Ah, je capote, puis ça sent tellement bon. Ça, c'est une banane. Il y a une banane. Une odeur facile à reconnaître, c'est le Vicks Vapor Rub. Ah oui, OK. Tu t'en mets un petit peu sur le chest. Oui, puis tu s'en vas au 10-12. C'est ça. Pour chiller. Ouais. Hey, demande-moi ce que j'ai fait en fin de semaine. Hey, Mathieu, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? J'ai chillé con carne. Je venais la placer depuis longtemps, merci. Oui. Chillé con carne. Depuis longtemps. Pour les végétariens, c'est chillé sin carne. Sin carne. Sans la viande. Oui. Donc, Vicks Vapor Rub, oui. En dessous du nez, sur le chest. Oui. Ensuite, le chocolat. Ah, oui. Simple, mais est-ce que tu préfères le chocolat noir, chocolat au lait? Ça dépend des fois. Je suis pas le plus grand fan du chocolat blanc. Ah, moi non plus, j'avoue, mais une fois de temps en temps, juste un petit morceau. C'est ça, un petit morceau. C'est dans les emballages multiples de différents essais, de trial pack. Puis je peux bien aimer aussi ceux qui sont comme chocolat blanc praliné. Là. OK. Mais avec du chocolat brun à l'intérieur, ça peut être bon. Mm-hmm. Mais sinon, je suis plus chocolat au lait, mais j'adore le chocolat noir. OK. Non, j'avoue que le chocolat au lait, c'est une petite particularité. Surtout quand tu mélanges avec, mettons, du caramel. Oh là là. Comme dans des rouleaux. Genre. Des caramels. Oh là là. Mmh. T'as pas le chocolat préféré de toute la vie? Moi, je dirais que c'est la Kit Kat. Chunky? La Chunky. OK. Et le classique Chunky normal. Il y en a maintenant au chocolat blanc, il y en a au biscuit, il y a un paquet de sortes. Là. Non, moi, vraiment la traditionnelle. Okay. J'aime aussi la vraie à quatre doigts. Oui, quatre petits bâtons. Oui, quatre bâtonnets. Ah, parlant de petits bâtons, les Twix, moi, c'est dans mes préférés facilement. OK. Twix. Avec le petit caramel. Quand j'étais plus jeune, j'aimais aussi bien gros la Wenry. Oui. Three Musketeers. Ah, je juste pas. La mousse au chocolat à l'intérieur. Juste la mousse. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Ouais. Toujours dans le top des odeurs les plus faciles à reconnaître à des kilomètres, c'est quoi celui-là, premièrement? Est-ce que tu veux m'aider? Wintergreen Oil? De l'huile Wintergreen? C'est-tu de l'huile de menthe? Je crois que c'est de l'huile à la menthe. Bref, disons la menthe. Ouais, peut-être plus la menthe. La ouais. menthe. Ensuite, la poudre pour bébé. S'il y a une odeur que je déteste dans la vie, c'est l'ambitionnage de poudre pour bébé. Ah oui. Il y en a qui abusent beaucoup. Mm-hmm. Parce que tu sais, il y en a qui vont. On a déjà fait dans une chronique à Instruments Assemblage où on pouvait se mettre de la poudre pour bébé dans l'entrejean. Ah oui, pour éviter les odeurs de caverneuses. Ouais. si on veut. Donc, mais il y en a que ça sort des culottes. Voilà. On n'aime pas ça. Poudre pour bébé. Ensuite, les cigarettes. Ah ouais. En fait, on parle plus spécifiquement des retailles de cigarettes. L'embout que tu finis par jeter. Ah oui, OK. Les bottes. Mais ça, c'est tous les fumeurs, dans le fond. Tous les fumeurs. Ouais. Ça sent le fond de cendrier. Ensuite, les boulamites. Oui. Moi, tu vois, je pourrais pas dire comment ça sent, les boulamites. Ça fait longtemps que j'ai pas senti ça. Moi, je sais, j'ai pas de garde-robe de quand est-ce que j'ai senti ça? Il me semble que j'ai senti ça en fin de semaine. Je suis allé à une place, puis ça sentait... Je sais pas si j'ai rêvé à ça. J'arrive vraiment pas à me souvenir, mais maudit que ça sentait la boulamite. Tape dans le mythe. Hey! Hey! Ho! Straight! ensuite, la bouffe à chat, mais sèche. OK. Tu sais, ben, pas de la bouffe en genre de petit pâté, pâté, qu'on met... Que le matin... T'as-tu un chat? Oui, j'ai un chat. Est-ce que tu nourris avec du pâté? Non, avec de la petite nourriture en croque pâté. Bien fait. C'est ça. C'est, parce que ça rentre comme ça sort. Oui. Ça sort comme ça rentre. Mais mes parents, ils nourrissent avec le petit pâté, puis maudit que je trouve que ça sent mauvais. C'est dégueulasse. À chaque fois que je donne ça le matin, tu te lèves, tu plies la bouche, puis t'es comme, il faut que tu verses ça, puis ça tombe pas, hein? C'est fait pour pas tomber du petit, du petit bucket. Puis là, t'es comme... comme un chat qui sort sa boule de poil. De poil. Ah non. C'est comme disait un sage dans le temps. Je sais pas si tu te rappelles, le sage, qu'est-ce qu'il disait? Le chat qui tousse. Le chat qui tousse. Puis qui jappe. Il y a un chat qui jappe sur Internet, c'est le fun. Oui, on peut tout trouver. Ensuite, toujours dans le palmarès des choses qui sortent de très, très loin, on parle bien sûr de la bière. La bière, oui. La bière. On l'a dit tantôt, oui. Mais les jeudis matins, des fois, après les parties F1, ça peut arriver. Ça sent mauvais. Ensuite, le savon, mais ivory spécifiquement. OK. Il y a une odeur qui reste longtemps, l'ivory. Dans la mémoire. C'est-tu dans l'impureté? C'est-tu pas du 99,9% pur? Je sais pas. C'est pas du Dove, ça, là? Non. Ivory, ça a une odeur que, bon, qu'on replace pas des fois. Ensuite, la gomme Juicy Fruit. OK. Préparez vos skis. Je connais pas les paroles. Arrêtez. Juicy Fruit. Renversante! Donc, Juicy Fruit, c'est la gomme qui sent le plus loin, apparemment. Les oranges. Les arêtes. Les arêtes. Et évidemment, l'odeur aux doigts après avoir mangé une orange. Oui. Ça sent longtemps. Les agrumes, tout ce qui est agrumes. Tout ce qui est agrumes, mais surtout l'orange. Ouais. La cannelle. Oui. Bruno, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Le cannelle. Il sent drôle, il sent la marionnette, il sent le tissu. Bruno, ouais. il y a des problèmes d'estomac. Il fait des pruneaux. Oui, c'est ça. Tu l'as dit. Oui, oui, la mousse de micro que quelqu'un touche en studio en ce moment, c'est parce qu'elle sent le pot. Maxime Tanguay va me dire si ça sent le pot en prenant le micro. Est-ce que tu trouves que ça sent le pot ou tu dirais que c'est quoi, toi? Ben c'est, oui, ça sent un petit peu, mais ça sent aussi un peu de parfum. Oui, le parfum. Ah, oui. D'accord. Ben ça se pourrait que ce soit quelqu'un qui est camouflé. Ah! Après avoir pris de la drogue en studio. Ouais, c'est ça, il y en a qui prennent de l'encens pour masquer l'odeur, d'autres... D'autres, ils pourraient prendre des oranges. Des oranges ou de la cannelle. Ben oui. toujours dans le palmarès, des choses qui sentent de loin, les citrons. Oui. On l'a dit tantôt, les agrumes sont regroupés pour moi sous la même bannière, la grande bannière la agrumes, grande... comme certains diraient. Le thon. OK. Le thon. Oui, le ton. Ça sent mauvais. Hey, change de ton, Mathieu. Merci. Je sais pas, moi je trouve que ça sent bon par contre. Mais tu sais, c'est pas le top 20 des mauvaises odeurs. C'est des odeurs qu'on reconnaît. Des odeurs, oui. On a parlé avec le beurre d'arachide tantôt, on parle de banane. Ah oui, la banane. Okay. Putain, c'est pas, ça sent pas si fort, mais. Non, ça sent une odeur particulière. C'est reconnaissable. Les crayons de cire. Ah oui. J'y aurais jamais pensé. C'est pas un classique celui-là. Non, mais c'est bien vu. Ça, c'est bien vu. Vraiment? Ouais. Ouais. Moi, je dirais même, je sais pas si c'est dans le top, là, parce que je suis pas allé jusqu'à la fin, apparemment. Les crayons de bois. Je pourrais ne pas dire ça aussi. Non, les crayons surligneurs. OK, oui. Ou les charpies qui sont très forts. Les charpies, oui. Quand tu déménages, tu as l'odeur dans la tête pendant longtemps. Oui. Mmh. Puis là, des fois, tu prends des sniffs, puis là, wouh! Ben, juste les gros crayons feutres noirs, là. Oui. The white. Oui. Ça me buzz. Ouais, ça le matin, là. C'est le genre d'odeur pas agréable, pas désagréable, juste. Addictique. Oui, c'est ça. T'en veux toujours plus. C'est à mon étrange dépendance. Il y en a sûrement là-dedans qui sniffent des crayons. Je suis sûr qu'il y en a un qui en mange. Ouais. Ensuite, du fromage. Mais du froum. En général, du froum. Hein? Ouais. Ah oui, les jeunes appellent ça de même. Hein? C'est frais, ça. C'est frais. C'est frais, du froum frais. Tu vois, si tu fais une poutine, je demanderais un extra froum frais. Froum frais. ensuite, de l'eau de Javel. Ah. Classique. Je pense que t'as pas le choix d'en parler dans un top 20 des odeurs qu'on sent de loin. Et le bacon. Là, tu me tentes. Immanquable, le bacon. OK, là, on est rendu sur un autre palmarès, donc c'est plus le même, mais je trouve qu'il y a un gros rapport entre les deux, parce que c'est le palmarès des vraies odeurs de chandelle. De carandelle. Okay. Carandelle. Donc, mettons, nouvelle voiture. Oui. Donc, moi, je mettrais ça aussi dans le top 20 des odeurs qu'on connaît. Qu'on reconnaît, oui. Mais on ne connaît pas de loin, pas. Il y a la pizza. Pizza! Chandelle à la pizza. La bière, encore une fois, il va y avoir des doublons, c'est sûr. Du pain. Pourquoi le pain n'était pas là? T'as hamburger de chez White Castle, donc il y a du pain là-dedans. Spécifiquement, une chandelle à l'odeur de hamburger de chez White Castle. Ah, t'es sérieux, là, OK? Je te jure. Je suis vraiment rendu dans le palmarès des chandelles. OK. T'as les tomates. le cannabis, on en parlait. Ah oui, okay, tu peux avoir une chandelle à ça. Mais hein. Au Dill Pickle. OK. Par la compagnie The Pink Sink. The Pink Sink, moi, je te dirais que c'est aussi un euphémisme pour... quelqu'un qui chante du karaoké du pink. Oui. Pink Sink. Ou l'entregent féminin. Ah oui. Le Pink Sink. Le lavabo rose. Lavabo rose. Parce que ça gicle. Ah mon Dieu. OK. T'as odeur de man cave. Ah oui, OK. Donc évidemment, là où les hommes se reposent, ils regardent la TV. Oui, l'odeur de bat. Ils pensent à des chauves-souris. Pink Sink, oui aussi. L'odeur aussi. De bat. T'as pas mis ah, ça? Ah, bat. Bat. Ah, chauve-souris. Oui. Comme une cave Batman, c'est ça? Oui. Ah, wow. Tabac à pipe. OK. ballon de football. Je vais très rapidement. Pet. Une chandelle à standard de pet. C'est tout pour ça. Je pense que c'est le dernier, le pet. Bon, ben, on a fini sur une note fracassante. Sur une petite note de fraîcheur. Ouais. Froum frais. Froum frais. Du froum frais. Du froum frais. Alors voilà pour cette première partie de son foutu palmarès. On revient tantôt avec une deuxième partie sur les inventions qu'on a inventées qui nous ont rendus paresseux. OK. Pourquoi pas. Et aussi plus tard, Maxime Tanguay. Allô. Allô. Il a participé jusque-là. mais pour l'instant, au Linéa, voici une feinte au trépas. Le monde à l'endroit. La tête en haut, les pieds en bas. Une feinte au trépas pour déjouer le scénario. La caméra pour voir de plus bas, pour trébucher une dernière fois. Un dernier saut. Sans pardonner. Pas de Fais ton trépas! Dolly Néa. C'est ça que tu voulais faire avant la chanson pour que je t'ai coupé le micro? Non, je voulais vraiment faire un bon gag. Ah! Ma vengeance sera très cruelle, Mathieu Plante. Ah! Vortex. Ouais. Vortex. Ça, c'est un sous-texte de Vortex. C'est un oui. Vortex. Maintenant, la deuxième partie de Son foutu palmarès. Et on fait le top des inventions qui ont augmenté la paresse chez les gens. Vous savez, c'est la semaine de travaux et d'études. Oui. Maxime Tanguay en témoigne. Oh yeah. Ça joue à Pokémon Stadium assez fort. Oh là là là là. Mais c'est comme je disais, Peyton Manning t'es pas impressionnant hier, fait qu'on joue à Pokémon Stadium. Il a fallu qu'on rectifie le tir. Voilà, voilà. Le tir, football. Le tir. D'ailleurs, j'ai battu deux fois Jean-René, si ça peut intéresser les gens. Jean-René Boutin? C'est Boutin-Train? Ben oui, Jean-René Boutin-Train. Homme de la luitte que je bats non seulement sur la glace, mais également à Pokémon Stadium. Oh! Dans les dents, hein? On va lui donner une tribune pour qu'il puisse se venger. Parce que, éthiquement parlant, si on donne la parole à quelqu'un qui insulte quelqu'un d'autre, il faut donner la parole à la personne qui est insultée aussi. Ben voilà, oui. On peut l'appeler. C'est sûr qu'il va être maudit, mais on peut... Donc, top 5 des choses qui ont augmenté la paresse chez les gens. Vous savez, c'est bien le fun des fois faire des affaires, mais quand on peut s'empêcher de faire des affaires, on va inverser des affaires pour pas avoir à faire ses affaires. C'est ça. Hein? Ben oui. Par exemple, l'ascenseur. En 1891, Jesse Reno, hein, Jessica Reno, hein, comme on l'appelle oui. Ici, a breveté le premier escalier bougeant, dans le fond. Ce qui a préparé le chemin, qui a créé la voie vers les grands escaliers normaux. Et en fait, c'était plus un genre de truc, t'étais comme mi-penché, OK? Donc, t'étais penché sur une rampe, donc c'est comme un escalator où tu te mettais debout puis tu montais. Là. C'est un peu comme les escaliers dans les dans les centres commerciaux, Sears, mettons, ces affaires-là. Ouais. Donc, ça ressemblait plus à ça, c'était à 25 degrés. Et après ça, il a construit un escalator en spirale qui n'a jamais été utilisé par le public. Et pour montrer comment les parcs d'amusement, un peu comme la Ronde, étaient vraiment plates dans ce temps-là, on a montré, c'était un exhibition, on montrait cet escalator-là, le premier qui a été inventé dans les années 1890. 75 000 personnes se sont promenées sur cette incline elevator pendant une période de 2 semaines à Coney Island en 1896. Donc c'était comme un manège, mais c'était pour essayer qu'est-ce qu'un ascenseur qui bouge. C'est un peu comme la spirale à Ronde. Oui, c'est-tu plate, ça, quoi? Enfin, c'est plus pour la vue, là. C'est l'affaire qui monte, là. Vraiment doucement. OK, je pensais que c'était comme les parapluies à l'expo. Là. Non. Ça, j'aimais ça, moi. C'était le seul manège, j'étais pas malade. On appelait ça le Mary Poppins. Mary Poppins, exact. Ensuite, le Lazy Boy. Ah. Ouais. En 1928, à l'âge de 21 ans, c'est Edwin Shoemaker qui dans le fond, fait un flou entre s'asseoir et se coucher. C'est ça. En développant la première chaise inclinable. Et puis, le nom Lazy Boy a battu d'autres suggestions comme le Sit and Snooze et le Slack Back. Slack Back! Je crois que Slack Back, c'est le fun. Oui, on dirait que Slack Back, en tout cas. Ouais, c'est ça. Comme un snack bar. C'est ça, Slack Back. Tenons-nous en ça. C'est à peu près la position qu'on utilise après avoir mangé au snack bar, ça. Oui, le oui. Slack Back. Oui. Ouais, slack back. ensuite, le Velcro. Ah, le Velcro, ça nous a rendu paresseux aussi, je pense. C'est, je sais pas si vous attachez vos souliers avec la méthode du petit lapin, les deux oreilles de lapin qui vont faire un nœud ensemble, ou oui. Si vous faites chaque côté indépendamment. Puis, Moi, je demande tous les matins à Karina. Viens faire mes souliers! Est-ce qu'elle accepte? C'est ce que je veux savoir. Elle accepte, mais avec beaucoup de honte. C'est oui, ça. C'est ça. Jamais en public. Ouais, non. Au centre d'achat, c'est tough la run. Mon lacet est détaché! Non, t'as des velcros juste pour le centre d'achat. Oui, c'est vrai. C'est mes velcros de sortie. C'est ça. Et au travail, tu portes des Crocs. Oui. Moi, comme ça, j'ai pas besoin de rien faire. J'aurais mis les Crocs dans le palmarès des choses qui nous ont rendu paresseux. La calculatrice, ensuite. C'est un garçon de 19 ans nommé Blaise Pascal qui a inventé la première machine à calculer mécanique. C'est où ça? Ensuite, évidemment, la calculatrice, je dirais pas que ça nous a rendu paresseux. Je dirais que les maths, c'est trop compliqué pour la plupart des gens. Ben, c'est rendu compliqué puisqu'on n'en fait plus. C'est ça. On est moins habitués. Ouais. Et finalement, la toilette. Parce qu'avant, on faisait ça, évidemment, à hack and slash dans un trou dans... dans le bois, j'imagine dans un seau. Hashtag feuille morte. Hashtag faire un petit V de bois pour pouvoir appuyer ses pieds. Oui, comme on l'a appris dans la chronique des trucs et astuces du Club plein air écoutant. Oui. Donc non, la toilette est évidemment une bonne invention aussi. Sinon, parlons de d'autres choses qui nous ont rendu paresseux. Est-ce que vous avez des suggestions qu'on pourrait ajouter au palmarès? La voiture. La voiture pour pas marcher, évidemment, ouais, ben pour, oui. Sur de plus longues distances. Le Segway. Le Segway. Segway, oui, excuse-moi. Où tu fais juste te tenir debout et ça avance et recule tout seul. Le four micro-ondes. Oui, clairement, pour pas avoir à le faire sur le foyer. Le fast food. OK. Hein, paraissons, oui. On cuisine plus. Mm-hmm. Le métamucil, dont on a parlé plus tôt dans l'émission, pour avoir, pour que ce soit plus facile d'aller aux toilettes. Oui. Comme ça, t'as pas de forcer. Le 100$ que tu donnes à ton ami pour qu'il fasse ton devoir. OK. Le petit jeune esclave que tu tartines de miel pour éviter les mouches. Oui. Comme on l'a appris tantôt aussi. Oui. Quoi? Oui. Peut-être là. Oui. après ça, peut-être la télévision. Ah oui, j'avoue. Oui. La radio nous faisait penser. C'est comme les livres aussi, ça nous faisait... imaginer des images. C'est ça. Ben imaginer des images. Oui. après ça, quoi d'autre? Les outils de correction des verbes et du français. Antidote, c'est le genre. Antidote, c'est le genre. J'avoue. Oui. Pas mal bon, si, ça. Faudrait que j'utilise ça. Là, je fais exprès. Ouais. Souligné en rouge. Ça. Oui. Ouais. Ben voilà. Oh. Voilà pour son foutu palmarès. Les détails sur les inventions et comment elles ont été créées sur assemblagerequis.com. J'avais juste pas envie de me casser la tête en cette semaine de relâche. Hein? T'es paresseux, dans le fond. Un petit peu. T'es paresseux. C'était le but. Ah oui. On s'en va entendre une pièce de Dinosaur Bone sur le palmarès anglophone. Jean-Philippe, n'est-ce pas? Oui, T-Bone. T-Bone? T-Bone. Oh là là. Ça, c'est juste... ce matin, je me suis... Moi aussi, j'ai snoozé un petit peu. Oh. Puis j'ai pas mangé mes rôtis. Hey, moi, je me sens venu sur le parking en mangeant mon croissant au beurre de peanut. Là. J'étais winner. Là. Ah ouais, hey, mais écoute, Mathieu, ce matin, un peu plus tôt, tu devais dormir encore puisque tu as dit que tu as snoozé. Oui. Ben, Mathieu nous a conté que tu as vu quelqu'un se raser au volant. Oui. Quoi? C'était fourré un rasoir électrique, je me suis la batterie, et puis il se rasait comme ça au volant. Ben, voyons donc. Il allait vite, là, en plus, sur la route. Là. Oui. Ah non, il y a des choses que je ferais jamais, là. Voyons donc. Là. C'était sur Gêne à Chicruyère. Oui. Puis en plus, ce que Mathieu nous a pas dit, mais qu'il m'a dit hors d'onde, c'est qu'il était en train de se trimer l'entrejambe. Il s'épilait le dessous de bras, puis il avait ses bas collants à moitié mis. Ben là. Oui. Ouais, ouais, ça hey. Arrêtait plus. Ah, je pense que là, je viens de faire un... Il s'appelle-tu Mado? Il est slack back sur le Snapchat. Ah oui, exactement. Ah, c'est au snack bar. On écoute Dinosaur Bones et Sleep Sick. Au 89 FMC. Sleep Sick de Dinosaur Bones. Clac. Des petits os de dinosaures. Oui, est-ce qu'on fait un vœu en séparant un os de dinosaure? Oui. À trois. Il faut avoir du bras. Hein, prends ton boule! Assemblage qui pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, attends, c'est toujours à Assemblage requis en ce lundi 21 octobre 2013. Une très longue hésitation. Ben, c'est le spot où d'habitude je dirais pas à date parce que c'est rediffusé demain. Les gens qui sont demain vont se dire attends un peu, on n'est pas lundi, on est mardi. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Je suis rentré travailler dimanche! Là, il y a du monde qui se promène et qui se rase en conduisant. Oui! Puis qui se met du miel partout. Mathieu Plante. Je fais des callbacks d'il y a une heure et demie. Oui, oui, oui. J'ai... Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Et Maxime Tanguet avec nous. Allez. Ah. Fais donc un oui, toi aussi, un genre de petit oui! Oui! Ah. Oui. Dis-nous donc le nom de la chronique comme un gars qui serait en train de se raser dans son auto et en train de se mettre des bas collants. Attends, je peux même faire un petit effet sonore, okay. Je pense. Allez, hey, c'est dans une chronique! C'est parce que je trouve ça jambon un peu de faire ça. C'est un peu jambon, hein. Tu sais, je veux dire, arrive deux minutes en retard, mais le monde grasé chez nous, c'est pas long. Là. Non, non. Surtout en plus, c'était. Électrique. Électrique, tu sais. C'est ça, puis en plus, dans son auto, il faut qu'il s'étire la peau, puis qu'il. Pour faire le dedans du menton, le dessus. Ben oui. C'est quand même avec un rasoir électrique, c'est pas facile. Plus après ça, le petit balai. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. L'aspirateur partout dans l'auto. Puis l'aspirateur entre les jambes en train de se faire une. Dans le boyau du. Oui, de la chave avec le César. Donc. C'est passé pour le film de peur. Film de peur. Ben oui, oui. Ils font ça. Le premier. Oui, dans le premier qui est l'excellent des huit. J'ai vu que récemment, il y en avait un nouveau encore. Oui. Mais là, je les compte plus. C'est pire que Petit Pied le dinosaure. Il n'y a pas un film qui s'appelle L'Histoire sans fin et qui a littéralement 32 films là-dedans aussi, je pense. Sans 32 films. Peu importe. Donc, Maxime Tanguay, arrête de parler de films et de gens que j'ai rencontrés dans la rue en voiture ce matin. Pour ta chronique, j'ai tout le temps pour étudier. Pour une chronique, excuse-moi. J'ai tout le temps pour une chronique. Le mot étude est déjà dans étude. Ben voilà. Temps. Sinon, ça serait comme long-londant. Redondant un peu, répétitif, et tout la même affaire. Oui, pléonasme. Pléonasme. Donc, aujourd'hui, tu nous parles, comme toujours, de musique pour étudier. Et là, c'est la seule et unique fois où on se dit « j'en ai besoin beaucoup ». Genre, mettons. Oui. Parce que d'habitude, t'en as besoin. Oui, mais t'en as précisément besoin. Ben oui, parce que c'est la semaine de lecture et d'études, ou d'études et lecture. La semaine de relâche. non, dis pas ça, il y a des gens que ça offusque. Ça blesse. Ben oui. Mais oui, donc c'est la semaine où on a généralement des travaux à faire ou de l'étude justement à se préparer soit pour des examens qu'on n'a pas encore eu, parce qu'il y a des examens de mi-session qui se font avant le relâche, d'autres immédiatement après. J'ai dit relâche moi aussi. grand fou, mais on s'amuse, on se gâte. Et voilà, et ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est un album particulièrement que j'ai écouté énormément en étudiant. Beaucoup, je l'ai usé à la corde, pour autant que tu puisses user MP3. Il sonne moins bien depuis. Je l'écoutais sur l'ordinateur. Mais ouais, c'est ça. Depuis, on dirait qu'il y a un peu comme un vieux vinyle. Bref, Saint-Germain, donc la plupart des gens doivent connaître quand même un peu ou doivent être habitués un peu à entendre. C'est le personnage gossant là, dans Radio Enfer qu'ils ont rajouté dans saison 4, là, qui a les cheveux gras puis plat avec un toupette. Ouais, mais. Germain Saint-Germain. Mais c'était fatiguant. Ah, ouais. Et maudit. C'est quand même moins fatigant comme. Ben j'espère en tout cas, sinon. Comme musique, j'espère que c'est pas fatigant, parce que sinon on va me faire taper dessus. Pour quelqu'un qui l'a écouté vraiment maintes et maintes fois, ça serait vraiment décevant. Ça serait vraiment décevant. on pourrait dire que je cherche à être malheureux. Et donc Saint-Germain, qui est en fait le nom de stage, le surnom de Ludovic Navarre, qui est un musicien français, qui aime beaucoup combiner en fait la musique jazz fusion et la musique house. C'est pas comme le docteur, là, comme le techno. Ça, c'est de la musique qui marche avec une canne qui prend un nouveau cane. Exact. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un style très particulier. Fait que c'est de l'électro-jazz, si on peut dire, d'une certaine façon. Mais pas comme peut le faire Caron Palace, qui sont plus dans le swing. Oui. Lui, c'est vraiment plus dans les éléments jazz en tant que tel. Vous allez voir, les éléments peut-être un petit peu plus répétitifs. Très peu de paroles. Puis quand il y en a, c'est généralement la même chose qu'il répète tout le temps. Vraiment très, ça a l'air pas bon comment je le dis, mais non, c'est vraiment très bon. Et c'est l'album Tourist qui est pas mal son gros disque qui a sorti, qu'on va entendre un peu. Donc, l'album, justement, qui dure une bonne heure, là, tu sais. Puis ici, contrairement aux autres semaines où j'amenais de la musique qui était quand même assez tranquille, dans le tempo, ça va bouger un peu. C'est ça le côté jazz qui est intéressant. Les deux pièces qu'on va entendre, Rose Rouge et Pont des Arts en premier, je crois, dans le fond, Pont des Arts nous montre vraiment bien la fusion entre le jazz et la musique plus électro, tandis que Rose Rouge est vraiment plus du côté jazz en tant que tel et très rythmé. Donc, c'est ce que je vous propose. On pourra en parler un peu plus par la suite, mais on va l'entendre un peu de Saint-Germain, Pont des Arts. Un pont des arts. C'est comme une poule aux jeux d'art. Qui pond des arts. Ou un lézard qui pond. Oh. Pont les arts. Pont les arts. Ça a vraiment rajouté à la blague. Oui, vraiment. Un bon fret. Ça, c'est frais, yo. C'est frais, fou, frais. Thank you. Avouez que vous avez le goût d'étudier présentement. Ben oui. Ben quand même, moi, j'ai hâte d'aller au bureau pour faire quelque chose de mathématiques. Moi, oui, de mathématiques. Oui. Je prends chacune des pochettes et je lis les paroles, puis je les apprends par cœur de chaque CD qu'on a reçu. Oh là là, c'est un défi. Alors, on revient demain, même heure, et tu nous restes. Oui. Mais ça, j'ai dit sur des palmarès, c'est fou, c'est moi qui chante toute la gang. Mais ça va y prendre la musique en fond, parce que ben là, oui, c'est la musique qui va y rappeler. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben oui. C'est comme ça, faut des trucs mnémotechniques. C'est que oui, t'as des trucs mnémotechniques, mm-hmm, faut faire attention pour tomber dans des pièges. Ah oui, les pièges. Genre apprendre un texte par cœur dans la même pièce, là, faites jamais ça, parce que c'est pas une bonne idée. Ah! Ben non, ben non. Donc la pièce qu'on a entendue s'appelait Pont des Arts. Oui, et ce qui joue présentement, c'est Rose Rouge. Donc la pièce qui ouvre l'album Touriste de Saint-Germain, Tourist. C'est mm-hmm, des grands anglais. Saint-Germain. Saint-Germain, oui, oui, qui on rappelle le pseudonyme de Ludovic Navarre, qui est un musicien français. Donc, c'est ça, c'est eux qui classent ça comme du new jazz, en fait. Là. Donc, classez-le comme vous voulez, mais très, très bon album, vraiment, dans cette ambiance-là. Si vous avez aimé les deux moves, celui-là est un petit peu plus rythmé, un petit peu plus rapide, mais ça va jamais plus vite que ça. C'est tout le temps dans ce niveau-là de musique. C'est sur cette tune-là, on a le pied dans le tapis, là. Oui, oui, oui, définitivement. Là, tu brûles les rouges puis tu transes en même temps. J'en reviens toujours pas. Ben non, hein? J'en reviens toujours pas. Le gars, il se rasait sur la route. Ouais, oui, il se rasait. Wow. Assez, wow. Et donc, voilà, c'est un album qui est sorti en 2000 quand même, qui a une très belle pochette, c'est niaiseux à dire, mais c'est comme une espèce de paysage avec des éléments, on dirait un peu des écritures un peu comme d'ordinateur au travers. Fait que ça représente bien quand même ce que fait Saint-Germain. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet album. C'est un album qui m'a permis de passer beaucoup d'examens, honnêtement. Parce que ça t'embarque facilement. Tu sais, t'as des accroches, mais en même temps, l'accroche est tellement répétitive qu'à un moment donné, tu t'y habitues. Fait que tu finis par oublier que la musique, ça va juste t'entraîner là-dedans. Donc vraiment, un excellent album pour étudier. Touriste de Saint-Germain, paru en 2000. Merveilleux. On écoute le reste de la chanson Rose Rouge. Mets-moi pas, là, je suis pas de même. Non, non, mais c'est... Moi, j'avais écouté Rose Rouge. Mais je vais faire rapidement une mention à la chanson So Flute, qui est la troisième pièce de l'album où il y a un gars qui joue de la flûte, mais il joue tellement... Des fois, il fait exprès pour souffler super fort, fait que tu l'entends faire... dans sa flûte. C'est génial comme chanson, So Flute. Là. Si vous avez une chance de réécouter ça sur les internautes, peut-être que je mettrai le lien sur la page Assemblage requis. Oui, bien sûr. Parce que ça va vous éviter d'avoir à chercher. Là. C'est un truc pour être plus paresseux. Oui, parce qu'avoir à chercher, ce serait chien. Chien, ben, German Shepherd, c'est un berger allemand. C'est l'autre. Saint-Germain, Saint-German Shepherd. OK, laisse faire. Rose Rouge. Donc voilà, Saint-Germain, Rose Rouge, album touriste. C'est wow! ça résume ma pensée. C'est ça. Rose Rouge, comme une Rolls Royce, là, où il y a des bushings. Oh, des bushings, puis des bushings. Ben oui. Des bushings, oui. C'est faire réparer son char, en fait, semaine. Ils ont mis des bushings. Puis aussi, jeudi, je suis allé dans un 5 à 7, puis ça avait des petites bushings. Oui, j'allais dire justement qu'il y avait mis les bouchées doubles. Ah oui, des bouchées doubles. C'est bon, ça. Mais les deux, t'as bon. Vous êtes tellement connectés, l'un à l'autre. I want you to get together. C'est ça. Donc, j'ai poussé plus en profondeur ma recherche. Oh. Et c'est Marlena Shaw qu'on entend le sample de voix. C'est oui, une c'est, chanteuse. C'est elle qui a eu le poste. Oui, Shaw. Shaw direct. Prison by Shaw. Oui. Exact. C'est la créatrice du poste. Non. Du poste. Et le loop de batterie de basse qu'on entend est de Take 5 de Dave Brubeck. Donc, c'est du new jazz. C'est vraiment, ils s'amusent. Ils refont du jazz avec du vieux jazz, puis ils font des samples, puis ils s'amusent, puis c'est ça. C'est cool. Là, j'ai trouvé justement une chanson où Mélina Cha chante seule dessus. C'est le chat qui jappe. C'est le chat qui jappe. En fait, il tousse, Mathieu. Excuse-moi. Ce chat est incroyable. Oui, ça gâche ta chronique. Hein. Non, pas du tout, ça l'embellit. C'est une finale en grand. C'est une finale en grand. Ouais. Oh, queue de poisson. Ouais. Oh. Merci, Maxime Tanguay. Hey, merci à vous. Ouais, c'était bien le fun. Saint-Germain. Ouais, mais moi, j'adore ça. J'aime ça. Instrumental, bon. Et on aime ça comme ça. C'est de la musique pour étudier. Vous allez pouvoir en profiter cette semaine parce que c'est le moment approprié pour prendre toutes les chroniques. J'ai tout le temps pour une chronique depuis le début de la session. Oui. Et les écouter au complet. Pas juste les chroniques. Les CD des chroniques. Ben oui, mais pas. Ben non, ben écoutez pas les chroniques. Là. Faites-vous. là, je vais dire le nom. Là, après, oubliez ce que je dis et allez écouter l'album. C'est est-ce, que plus révélateur. Est-ce que tu te rappelles les disques que tu as mentionnés dans les précédentes chroniques depuis le début de la session? Pas tous, parce que j'ai deux chroniques en même temps. Oui. Sur les autres de ces fois, attends un petit peu. Écoutez le gros rap de l'autre fois ou de la métal. J'ai mentionné Boards of Canada, Explosions in the Sky, puis Palms. Cool. J'ai quand même une chance sur mon ordinateur. Ouais. J'ai une avec que... Mais, parce que tu pourrais, genre, semaine après semaine, présenter la même affaire. Tout le temps. Puis là, vous me le dites pas, puis ça fait juste créer un malaise en nous. Oui. Puis nous, on se dit, OK, celui qui t'offre le plus longtemps. Ben, sans dire. Ouais. Des fois, vous dites « Ah oui, c'est ça qui ressemble à telle affaire. » Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, on le sait. C'est un peu la technique de mes chroniques où je mentionne des affaires que j'ai déjà mentionnées puis tu t'en rappelles pas toi non plus. Ben ça peut arriver des fois. Ça peut arriver. Hein. Tellement d'informations. Ben oui. Hein. Ah. Trop. Donc, tu vas revenir avec d'autres chroniques. J'ai tout le temps pour une chronique. Ben oui. Dans le futur et ça va être pour étudier pour la fin de session, probablement. Oui, oui. Fait que là, on va tomber dans des choses très intenses. Plus sérieuses. Plus sérieuses. Fin de session d'Inde, Noël. Dingue. Ben oui, mais en fait, moi, à partir de novembre, je fais juste présenter des disques de Noël pour étudier. Non, je ne ferai pas ça. Oh. On te retrouve les lundis à 9h. Ouais, monsieur. Tu nous as amené une petite suggestion spéciale, une demande spéciale. Hey, oui, parce que c'est un groupe dont le nouvel album est sorti au début de l'année, puis je l'avais acheté, puis finalement, tu sais, je l'ai écouté une fois, puis ça a tombé dans l'oubli, puis là, je l'ai réécouté, puis je fais « Colin, c'est bien bon! Ah! » C'est Portugal The Man. Tu nous en avais parlé dans une chronique oui. Qui s'appelait évidemment dans ce temps-là C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune indie. C'est ça. Voilà. C'était bon, c'est vrai. Oui, c'était très bon. Puis depuis, on a sorti leur nouvel album Evil Friends, qui est incroyable. Pour vrai, il est super bon. Puis il est produit par Danger Mouse. Puis j'aime beaucoup Danger Mouse, comment il produit. C'est lui qui a produit, entre autres, El Camino, les Black Keys. Ah oui, OK. Entre autres. Et puis vraiment, la production est super bonne. C'est bien fusionné au groupe, si je peux dire comme ça. Puis la chanson que je propose, c'est Modern Jesus, qui est le fun. C'est un peu un petit sing-along, une petite chanson bien fun. On écoute ça. Moi, Danger Mouse, j'aime quand tu l'appelles Danger Mouse. Ça fait comme si son nom, c'était Daniel Germous. Germous. Danger Mouse. Salut, Dan. Germous. Daniel Germous. On vient pour se dire bye-bye après. Bye-bye. Ça me rend de bonne humeur. Oh! Pour vrai, là. Oui, c'est vrai que ça rend de bonne J'aime humeur. J'aime beaucoup Portugal The Man. C'est bon! Puis ils ont sorti, je pense, depuis que j'ai connu, ils ont sorti, je pense, 4 albums. J'ai tout capoté à chaque fois. Mm-hmm. Allez, écoutez ça. Hey, toi, là, dans ton char, va écouter ça. Va écouter ça. Lâche ton rasoir, va écouter ça. Sur ça résume l'émission d'aujourd'hui. Oui. Où on s'est rasé pendant qu'on fait une émission de radio, là, comme ça. Ah oui, on s'était rasé. Moi, je te rasais, toi, tu rasais Maxime me rasait. Ouais. Oui. Ouais. Puis la table est quand même grande, fait que je vous dis, c'est un défi. Oui, c'est tout que défi. Désolé pour les prochains avec les petits poils qui traînent. Ah, ouais. C'est comme ça. Ça met de la vie. Ça met du piquant. Oui, du pied quand tu piles dessus à pied. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En passant, pour aujourd'hui, merci à notre seul chroniqueur, Maxime Tanguay. Allô. Oui. Hey, merci à vous autres. Vous êtes beaux. Ah, merci. Demain, l'émission Angélie Durocher et ce qui l'intéresse en ce moment dans l'index d'Angélie. Ensuite, on a Mathieu Roy, président de l'OGA UQTR, qui va être là pour la chronique de l'OGA. Et Alexandra Carignan va venir nous parler d'art et spectacle dans le temps d'une culture. C'est confirmé, c'est le plan de demain. Sinon, restez là pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. À 13h, c'est les filles des précieuses ridicules. À 16h, la nouvelle émission Hors Zone. Oui. Hors Zone. C'est une émission de Indie Rock. À 17h, je vais être de retour avec Stéphanie Paradis pour les Palmarès Info édition New Shit. Ensuite, à 19h, c'est le Voyage Insolite. Et à 20h, Rock de Neuron. Oui, monsieur. Toute une programmation. Ben, c'est pas pire que vous pouvez voir au complet sur le site internet cfou.ca. www.cfou.ca. Ouais. Et sur assemblagerequis.com, c'est les notes de l'émission et les balados diffusion. Oui. Facebook, Twitter. Quand ça marche. Oui, Facebook, un matin, il marche pas ma main. Non. Que voulez-vous, on peut pas te tawer, hein? Ben non. C'est comme disait l'autre, là. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Il disait. on finit pas avec chat. Avec chat? Hey, c'est un bon chat, un matin? Ouais. Mélina de chat? Oui, Lina. Milita? Elle, là. C'est une sorte de café, ça. Bye! Oh, j'en peux plus.